Lettre à mon juge, de Georges Simenon. France Culture et la Comédie Française présentent Lettre à mon juge, de Georges Simenon. Adaptation, Pierre Assouline. Cinquième et dernier épisode. Charles Lavoine a tué. Depuis la prison, il décrit à son juge sa passion dévorante pour Martine. Bouleversé par la jeune femme, il veut tout savoir d'elle et souffre d'une jalousie violente pour tous les hommes qu'elle a connus avant lui. Après que sa femme Armande a découvert leur relation, Charles quitte La Roche-sur-Yon avec Martine. Nous sommes partis, Martine et moi, et nous avons passé la nuit dans les bras l'un de l'autre, sur une banquette de train, sans dire un mot. Il y avait du soleil à notre arrivée, sur la banlieue de Paris. Nous sommes descendus dans un hôtel banal, convenable, près de la gare, et j'ai inscrit sur le registre « Monsieur et Madame Charles Lavoine ». Nous faisions seulement l'apprentissage de notre liberté et nous étions encore un peu gauches. 10 fois par jour, il arrivait à l'un de nous d'observer l'autre, et celui qui était pris en faute, si je puis dire, s'empressait de sourire. Nous avons jeté notre dévolu, en fin de compte, sur un cabinet situé à Issy-les-Moulineaux, au plus noir, au plus grouillant de la banlieue ouvrière. Quant à notre appartement, au 3e étage, il était assez neuf, mais avec des pièces si exiguës qu'il ressemblait à un ménage de poupées. J'ai acheté d'occasion une petite voiture à 2 places, une 5 chevaux, car Issy-les-Moulineaux est vaste comme une ville de province et j'y avais des clients dans tous les coins. Martine a appris à conduire et a obtenu son permis. C'est elle qui me servait de chauffeur. De quoi ne me servait-elle pas? Je te jure que je suis très heureux. C'était vrai. C'était vraiment la vie qui recommençait, presque à zéro. J'aurais voulu être encore plus pauvre, reprendre les choses de plus bas. Nous sortions peu. Nous avions adopté, sans le vouloir, les habitudes du quartier où nous vivions. Une fois par semaine, nous passions la soirée dans le même cinéma que mes malades. Un cinéma qui sentait les oranges, le chocolat glacé, les bonbons acidulés, et où l'on marchait sur les épluchures de cacahuètes. Nous ne formions pas de projet d'avenir. N'est-ce pas la preuve que nous étions heureux ? Pas un seul soir, mon juge. Nous ne nous sommes endormis, nous n'avons fermé les yeux sans que j'aie imprégné sa chair. C'était un geste presque grave, rituel. C'était pour elle un moment angoissant, car elle savait de quel prix je payais et lui faisait payer la moindre réapparition de l'autre. Il lui fallait empêcher coûte que coûte la déroute de ses nerfs, cette raideur qui me faisait si mal, cette tension haletante, désespérée vers un apaisement qu'elle n'avait jamais connu et auquel jadis elle ne renonçait qu'une fois à bout de force. Tu vois, Charles, que je ne serai jamais une femme comme les autres. Un jour, vois-tu, alors que tu n'y penseras pas, le miracle se produira. Et le miracle s'est produit. Je me souviens de l'étonnement que j'ai lu dans ses yeux où subsistait une appréhension. Je sentais le fil si frêle encore que je n'osais pas risquer un encouragement et que je feignais de ne pas m'apercevoir de ce qui se passait. Je les serrais plus fort et plus tendrement tout ensemble. Mais oui, elle pouvait. C'était réellement sa chair, cette fois qui s'épanouissait, et mes yeux ne pouvaient quitter ses yeux. Elle souriait d'un sourire nouveau où se mêlaient l'orgueil et la confusion. Enfin, oui, juge, enfin, elle était mienne en toute plénitude. Enfin, elle était femme. Enfin aussi j'avais d'elle, outre son amour, une chose que les autres n'avaient jamais connue. Ils n'en savaient rien, ils ne s'étaient aperçus de rien. Mais qu'importe. C'est à quelques soirs de là, au moment où nous étions le plus heureux, alors qu'elle s'endormait dans mes bras, toute barbouillée d'amour, et que ma main caressait machinalement sa peau douce, que j'ai pensé presque sans m'en rendre compte. Et dire qu'il faudra un jour que je la tue. Ce sont exactement les mots qui se sont formés dans mon cerveau. Je n'y croyais pas, remarquez-le, mais je ne me révoltais pas non plus. Je continuais à caresser sa hanche à mon endroit préféré. Ses cheveux dénoués me chatouillaient la joue. Je sentais son souffle régulier sur mon cou et j'appelais dans l'obscurité de ma conscience. Il faudra que je la tue. Elle m'était plus chère que jamais. Elle était toute ma vie. Mais en même temps, malgré elle, malgré tout son amour, son humble amour, retenez bien ce mot, juge. Son amour était humble. En même temps, elle était l'autre, et elle le savait. Parfois, Martine ouvrait la bouche et restait en suspens, gênée. Qu'est-ce que tu allais dire ? Rien. Parce qu'elle venait de penser que les mots qu'elle était sur le point de prononcer étaient de ceux qui risquaient de réveiller mes fantômes. Et c'était souvent des mots innocents. J'ai passé mon temps à lutter contre sa peur, à anéantir sa peur. J'ai réussi à la délivrer de la plupart de ses cauchemars. Je l'ai rendue heureuse, je le sais, je le veux. J'interdis à qui que ce soit de me contredire là-dessus. Elle a été heureuse avec moi, entendez-vous ? Et c'est justement parce qu'elle était heureuse et qu'elle n'en avait pas l'habitude qu'il lui arrivait de trembler. À La Roche-sur-Yon, elle avait peur d'Armande, peur de ma mère et de mes filles et de mes amis, de tout ce qui avait fait ma vie jusqu'alors. À Issy-les-Moulineaux, elle a eu peur, au début, d'un genre d'existence qu'elle croyait susceptible de me décourager. De ces peurs-là, d'autres encore, je les guéris. Mais il restait nos fantômes. Ceux-là que je lui avais pris, dont je l'avais déchargé et contre lesquels elle me voyait soudain me débattre. Elle savait bien, allez, que ce n'était pas elle que je haïssais à ces moments-là, que ce n'était pas contre elle que mes poings se tendaient. Je l'ai battue. Je ne m'en excuse pas. C'est le mot image, sans doute, qui est la clé. J'étais coupable, hélas, sans le vouloir, contre ma volonté, d'avoir soudain sous les yeux une image d'une précision photographique. Et cette image-là, tout naturellement, se superposait à celle de la Martine qui se tenait devant moi. Dès lors, je ne croyais plus à rien. Rien, juge. Pas même à elle. Pas même à moi. J'étais submergé par un dégoût immense. Ce n'était pas possible. On nous avait trompés. On nous avait volés. Je ne voulais pas. Je frappais. C'était le seul moyen d'en sortir. Elle le savait si bien qu'elle le souhaitait, qu'elle m'y invitait en quelque sorte pour que je sois plus vite délivré. Je ne suis pas un fou, pas un malade. Nous n'étions des malades ni l'un ni l'autre. Est-ce que nous avons visé trop haut ? Est-ce que nous avons ambitionné un amour interdit aux hommes ? Mais alors, dites-moi, s'il nous est interdit sous peine de mort, pourquoi nous en avoir mis le désir au plus profond de notre être ? Il faudrait, voyez-vous, que je vous fasse franchir une à une toutes les étapes que nous avons franchies. Le printemps a passé, l'été est venu, les fleurs ont changé maintes fois dans les squares de Paris, notre sombre banlieue s'est éclairée, des gamins, des hommes en maillot de bain ont encombré les berges de la Seine, et nous trouvions toujours à chaque tournant du chemin une nouvelle étape à parcourir. Sa chair, bientôt, était devenue aussi obéissante que son esprit. Nous avons atteint et franchi l'étape du silence. Nous avons pu lire, côte à côte, dans notre lit. Tu verras, Martine, qu'un jour viendra où il n'y aura plus aucun fantôme. J'étais heureux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Martine et moi étions heureux à en crier. C'était le 3 septembre, un dimanche. Je sais l'effet que vous produit cette date. Je suis calme. Rassurez-vous. Il faisait un temps mou. Vous vous souvenez? Ce n'était plus l'été et ce n'était pas encore l'hiver. Pendant plusieurs jours, le ciel a été gris. D'un gris à la fois terne et lumineux qui m'a toujours attristé. Beaucoup de gens, surtout dans les banlieues pauvres comme la nôtre, étaient déjà rentrés de vacances ou n'y étaient pas allés. Je ne peux pas rester au lit après une certaine heure. Je me suis levé sans bruit et Martine a tendu les bras. Une grosse caresse. Il s'agissait de la serrer très fort contre ma poitrine jusqu'à ce qu'elle en perde le souffle. Alors, elle était contente. Chaque dimanche, je lui offrais ce qu'elle appelait la matinée idéale. Elle se levait tard, vers 10h, et c'était mon tour de lui apporter son café. En le buvant, elle allumait sa première cigarette, car c'est la seule chose à laquelle je n'ai pas eu le courage de la faire renoncer. Quel temps fait-il ? Nous nous arrangions pour être sans projet, pour que cette journée dominicale tout entière fût libre pour l'improvisation. Et il arrivait, ma foi, que nous ne fissions rien du tout. Est-ce que la couleur du ciel y était pour quelque chose? C'était une de ces journées, juge. Ce sont toujours des dimanches, où l'on est capable de ne penser à rien. Martine et Élise, la bonne, étaient toutes les deux dans la cuisine et riaient aux éclats. J'ai rarement ressenti autant de tendresse pour elles. Voyez-vous, je venais de surprendre tout un côté d'elle-même que je ne connaissais pas encore et qui me ravissait. J'aime les gens qui sont capables de s'amuser avec les bonnes, surtout avec les petites paysannes, comme Élise. Tu étais là? Nous étions, Élise et moi, nous raconter des histoires. Qu'est-ce que tu as? Rien. Si, tu as quelque chose. Viens. Tu es fâchée? Mais non. Tu es triste? Je te jure. Ni l'un ni l'autre. J'étais ému. Sottement, peut-être. J'étais beaucoup plus ému que je ne voulais le laisser paraître et me l'avouer. Maintenant encore, il me serait difficile de dire au juste pourquoi. Peut-être parce que ce matin-là, à mon insu, sans raison précise, j'ai senti que j'atteignais au maximum de mon amour, au maximum de compréhension d'un être vis-à-vis d'un autre. J'ai tellement l'impression de l'avoir comprise, voyez-vous. C'était tellement frais, tellement pur. Cette gamine qui riait dans la cuisine avec notre petite paysanne. Alors, insidieusement, un autre sentiment s'est glissé en moi. Une nostalgie vague que je connaissais, hélas, et contre laquelle j'aurais dû réagir tout de suite. Elle avait compris, elle. C'est pour cela qu'elle m'avait conduit dans la chambre. C'est pour cela qu'elle attendait. Qu'elle attendait que je frappe. Cela aurait mieux valu. Mais depuis quelques semaines, je m'étais juré de ne plus me laisser aller à mes colères ignobles. Il n'y avait rien. Pourquoi donc s'inquiétait-elle de la sorte? Elle a été inquiète tout le reste de la journée. Nous sommes allés aux eaux de Vincennes. Le même voile lumineux était toujours tendu sur le ciel. Et c'était justement une lumière qui ne faisait pas d'ombre. Il y avait foule. Regarde, Charles! Et je les revois. Deux chimpanzés, le mâle et la femelle, qui se tenaient étroitement enlacés et qui regardaient la foule. Qui la regardaient, mon juge, un peu comme je vous ai regardé tous au procès. C'était le mâle qui, d'un geste à la fois doux et protecteur, tenait la femelle de son long bras. Charles! Oui, je sais. C'est à peu près dans cette pose que nous nous endormions chaque nuit, n'est-ce pas, Martine? Nous n'étions pas dans une cage, mais nous avions peut-être aussi peur de ce qu'il y avait derrière nos invisibles barreaux. Et moi, je te serrais contre moi pour te rassurer. Les deux singes. nos de singe. Nous avons marché encore dans la poussière dont nous finissions par avoir le goût dans la bouche. Nous avons retrouvé notre voiture et moi, je pensais, si elle n'avait été qu'elle, mon juge, si elle n'avait jamais été que celle que j'avais surprise le matin, si elle n'avait été, si nous n'étions l'un et l'autre que comme ce mâle et cette femelle qui nous étaient arrivés sans nous donner le mot d'envier. Tu veux dîner à la maison ? Comme tu voudras. Élise est sortie, mais il y a de quoi manger. J'ai préféré dîner au restaurant. J'étais crispé, inquiet. Je sentais que les fantômes étaient là, tout proches, qui n'attendaient que l'occasion de me sauter à la gorge. Qu'est-ce que tu faisais le dimanche ? Elle ne pouvait pas s'y tromper. Elle savait de quelle époque de sa vie je parlais. Il lui était impossible de me répondre. Je m'ennuyais. Et ce n'était pas vrai. Elle s'ennuyait peut-être au fond d'elle-même, mais elle s'acharnait à trouver le plaisir. Elle allait le chercher n'importe où. Rentrons. J'ai voulu conduire. Je ne lui ai pas adressé la parole tout le long du chemin. Je me répétais, il ne faut pas. Et ce n'était encore qu'au coup que je pensais. Elle n'a pas mérité ça. C'est une pauvre petite fille. Mais oui, je sais. Qui pourrait mieux savoir que moi ? Hein ? Qui ? Dites-le. J'ai posé ma main sur sa main au moment où nous entrions dans ici. N'aie pas peur. Je n'ai pas peur. J'aurais dû frapper. Il en était encore temps. Nous étions plus ou moins dans la vie. Il y avait des rues, des trottoirs, des gens qui se promenaient, d'autres assis sur une chaise devant leur seuil. Il y avait des lumières qui luttaient contre le faux jour du crépuscule. Il y avait la Seine et ses péniches assoupies. J'ai failli lui dire au moment de mettre la clé dans la serrure, « N'entrons pas. » Et pourtant, je ne savais rien. Je ne prévoyais rien. Je ne l'avais jamais autant aimé. Ce n'était pas possible, comprenez-moi. Pour l'amour de Dieu, comprenez-moi qu'elle... Elle... J'ai poussé la porte. Et elle est entrée. Et tout était dit à ce moment. J'avais disposé de quelques secondes pour faire demi-tour. Elle avait eu, elle aussi, le temps d'échapper à son destin, de m'échapper. Je revois sa nuque au moment où j'ai tourné le bouton électrique. Sa nuque, comme le premier jour, devant le guichet de Nantes. Avec les petits cheveux follets. Tu te couches tout de suite ? Oui. Qu'est-ce que nous avions ce soir-là et pourquoi tant de choses nous remontaient-elles à la gorge ? J'ai préparé son verre de lait. Chaque soir, au lit, après que nous avions fait l'amour, elle buvait un verre de lait. Et elle l'a bu ce soir-là, le soir du dimanche 3 septembre, ce qui signifie que nous nous sommes possédés, qu'elle a eu le temps, ensuite, assise dans notre lit, de boire son lait à petites gorgées. Je ne l'avais pas frappée. J'avais chassé les fantômes. Bonne nuit, Charles. Bonne nuit, Martine. Bonne nuit, Charles. Bonne nuit, Martine. Ce n'est pas chrétien. Alors les fantômes sont venus. Les plus laids, les plus immondes. Et il était trop tard, il le savait, pour que je me défende. Martine était endormie. Ou bien elle faisait semblant de dormir, pour m'apaiser. Ma main, lentement, a monté le long de sa hanche, caressant la peau douce, sa peau si douce, a suivi la courbe de la taille et s'est arrêtée en passant sur la ferme mollesse d'un sein. Des images, toujours. D'autres mains, d'autres caresses. Ce n'est pas chrétien. La rondeur de l'épaule où la peau est le plus lisse, puis un creux tiède. Le cou. Est-ce qu'il ne fallait pas nous délivrer, la délivrer, elle, de toutes ses peurs, de toutes ses hontes ? Je pouvais la voir. Je la voyais. Je voyais ma main autour de son cou et j'ai serré, juge, brutalement. J'ai vu ses yeux s'ouvrir. J'ai vu son premier regard qui était un regard d'effroi, puis tout de suite l'autre, un regard de résignation et de délivrance. Un regard d'amour. J'ai serré. C'était mes doigts qui serraient. Je ne pouvais pas faire autrement. Et je sentais bien qu'elle m'encourageait, qu'elle le voulait, qu'elle avait toujours prévu cette minute-ci. Que c'était le seul moyen d'en sortir. Pardon, Martine. Il fallait tuer l'autre une fois pour toutes, afin que ma Martine puisse enfin vivre. J'ai tué l'autre, en toute connaissance de cause. Vous voyez bien qu'il y a préméditation, qu'il faut qu'il y ait préméditation, sinon ce serait un geste absurde. Je l'ai tué pour qu'elle vive, et nos regards continuaient à s'étreindre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, juge. Après quoi, notre immobilité était pareille à l'un et à l'autre. Ma main restait accrochée à sa gorge, et elle y est restée accrochée longtemps. J'ai fermé ses yeux. Je les ai baisés. Je me suis levé, vacillant. C'était Élise qui rentrait. Vous l'avez entendu, à la fois aux assises et dans votre cabinet. Elle n'a jamais fait que répéter. Monsieur était très calme, mais il ressemblait pas à un homme ordinaire. Bonsoir. Allez chercher la police. J'ai attendu longtemps. Assis au bord du lit. Et c'est pendant ces minutes-là que j'ai compris une chose. Qu'il fallait que je vive, parce que tant que je vivrais, ma Martine vivrait. Elle était en moi. Je la portais comme elle m'avait porté. L'autre était morte, définitivement. Mais tant qu'il y aurait un être humain, moi, pour garder en lui la vraie Martine continuerait à exister. N'était-ce pas pour cela que j'avais tué l'autre ? Pour Martine, pour la vraie Martine, pour que je l'aie définitivement délivrée, pour que notre amour vive. Et ce n'est plus qu'en moi qu'il peut vivre. Je ne suis pas fou. Je ne suis qu'un homme, comme les autres, mais un homme qui a aimé et qui sait ce que c'est que l'amour. Je vivrai en elle, avec elle, pour elle, aussi longtemps que cela me sera possible. Et si je me suis imposé cette attente, si je me suis imposé cette sorte de foire qui a été le procès, c'est qu'il fallait coûte que coûte qu'elle continue à vivre en quelqu'un. Nous sommes allés aussi loin que possible. Nous avons fait tout notre possible. Nous avons voulu la totalité de l'amour. Adieu, juge. Le jour même où le juge d'instruction Ernest Comelio, 23 bis rue de Seine à Paris, recevait cette lettre, les journaux annonçaient que le docteur Charles Lavoine, né à Bourgneuf en Vendée, s'était donné la mort dans des circonstances assez mystérieuses à l'infirmerie de la prison. Une enquête est ouverte. C'était « Lettre à mon juge » de Georges Simenon, cinquième et dernier épisode. Adaptation de Pierre Assouline. Avec les comédiens de la Comédie Française, Alexandre Pavlov, Jennifer Decker, Dominique Blanc. Et les voix de Mariana Grancy, Jean Riffel, ainsi que les voix de Nathalie Canoy, Aurélia Petit, Émilie Chertier, Raphaël Goldman, Mathias Simon, Didier Mérigou, Louis-Marie Audubert, Élodie Vincent, Fred Munoz, Marion Billy, et Sidonie Laurence. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Laurence Courtois et Caroline Oisana. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Laurence Courtois. Lettre à mon juge est publiée aux Presses de la Cité.